طيب إذن ما هي الشروط للخروج على الحاكم؟ كفران كفر واضح. أولا أن يرتكب أو أن يقع في كفر واضح. Qu'on ait quelqu'un de meilleur pour faire le remplacer. نعم أن يوجد هناك البديل. Que ça se fasse en préservant le sang des musulmans. نعم وهذا يدخل في القدرة أن يكون لديه قدرة أن لا ماذا et que le fait de le changer ça fait pas plus de mal que نعم نعم وهذا si tu regardes bien ce rajout là qu'on a rajouté il va rentrer dans la qudra non il va rentrer dans la qudra نعم احسنت قال مساله خطوره تكفير من لا يستحق ذلك. Donc là on va voir le danger de rendre mécréant une personne qui ne mérite pas cela. قال جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. Et si toutefois une personne appelle une autre par la mécréance, c'est-à-dire elle dit « Oh, kafir hein? » ou « Adouullah »« Ya Adouullah »« Oh, ennemi d'Allah »« Wa laysa kadhalika illa hara alayh » sans que cela soit le cas, c'est-à-dire sans que cette personne soit véritablement mécréante, ou qu'elle fasse partie des ennemis d'Allah, sans que cela ne revienne sur lui. Sans que cela ne revienne sur lui. Mafhoum al-hadith ? Taïb. Qala l'imam al-Nawawi. L'akh kataba al-hafidh al-Nawawi. Sahih al-Nawawi. صح أنه حافظ لكن العلماء يعبرون بأنه إمام الإمام النووي والحافظ ابن حجر طيب الله يبارك فيك قال الإمام النووي عليه رحمة الله في تأويل الحديث أوجه dans la compréhension de ce hadith il y a plusieurs facettes dans la compréhension de ce hadith il y a plusieurs facettes أحدها أنه محمول على المستحل على المستحل لذلك وهذا يكفر فعلى هذا معنى باء بها أي بكلمة الكفر أو كذا وكذا حار عليه وهو معنى رجعت عليه أي رجع عليه الكفر فباء وحار ورجع بمعنى واحد donc le premier cas c'est que ce hadith il s'applique à celui qui rend licite le fait de rendre les musulmans mécréants. Celui qui rend licite cela, ça c'est quoi? C'est du kofr. Naam, c'est du kofr. Celui qui rend et dit c'est licite de dire que les musulmans sont des kofars. Celui qui dit cette kalima, faqad kafar. Naam. هنا لحظة نعم نعم وعليكم السلام ورحمة الله أخانا أيوب أنا في الدرس مع الإخوة تريد تسلم عليهم يعني أرفع المسمعة تفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قد ردوا عليك السلام. طيب. يلا. المهم متواصلون إن شاء الله بعد الدرس أتصل بك. إن شاء الله. لكن إن شاء الله. يلا الله يبارك فيك حفظك الله. طيب الوجه الثاني معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية التكفير. هذا كذلك جميل. Donc le premier wajh, c'est quoi de ce hadith? Le premier wajh, c'est que celui qui rend autorisé de kafar musulman. Voilà. En fait, quand on dit celui qui dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui dit qui appelle un homme par le kufr, c'est-à-dire oh mécréant, ou en disant oh adouullah, oh ennemi d'Allah, alors que cette personne-là n'est pas l'ennemi d'Allah, n'est pas un mécréant, il ne dit cela sans que cela ne revienne sur lui. Comment ils ont interprété les savants ce hadith? De plusieurs formes. Parmi eux, il y en a qui ont dit qu'il s'agit de celui qui rend licite le fait de rendre mécréants les musulmans. Fa'ala kufr. Donc là, lorsqu'il va dire oh mécréant, c'est comme s'il a, lui, il rend licite le fait de rendre mécréants les musulmans. Et ça, c'est du kufr. Et donc, c'est ce kufr-là qui revient sur la personne. Mafoum ? Deuxième wajh, quand le prophète de Zemi dit sans que cela ne revienne sur lui, c'est-à-dire sans que son mépris de son frère ou son péché, il revient sur lui. Mafoum ? Et dans ce cas-là, ce ne sera pas le kufr. C'est-à-dire, il ne va pas mécroire. Mais son péché, il va revenir sur lui. L'insulte qu'il a donnée, qu'il a dit de son frère, c'est ça qui va revenir sur lui. نعم. والثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين. وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف. Yani, certains ils ont dit que ce hadith il s'applique au khawarij. Ce hadith s'applique au khawarij. Taïb, il s'applique au khawarij et à un ghayrum. C'est pas khas bil khawarij. Mais c'est vrai qu'ils rentrent dedans. Taïb, al-wajhu al-rabi'. Al-wajhu al-rabi'. Ma'anahu anna dhalika yu'awul bihi, ou ya'oul, ya'oulu bihi ila al-kufr. Wa dhalika anna al-ma'asi كما قالوا بريد الكفر. Et donc la troisième explication, c'est que le fait de dire cela, oh ya oh mécréant ou oh adouallah, ceci est un péché. Si toutefois c'est dit pour une personne qui ne mérite pas cela, ceci est un péché. Et ce péché là, il va t'emmener où ça? Il va t'emmener à la mécréance. Ce péché là, il va t'emmener à la mécréance. هذا معنى الكلام. بريد بريد الكفر. البريد c'est la سلوك إلى شيء. آه. سلوك إلى شيء أو طريق إلى شيء. يعني ها. البريد c'est la poste, c'est le courrier comme يعني عرفت. فهو على المعنى الذي تذكره. C'est un chemin qui mène vers le kufr. ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة الإسفرايني في كتابه المخرج المخرج على صحيح مسلم. فإن كان كما قال يعني ساسي حديث كرابورتي أبو عوانة dans son livre المخرج où le prophète صلى الله عليه وسلم dans une version du même hadith qu'on vous a cité, il dit juste après فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر. وفي رواية إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدهما. Dans une version, si tu dis si la personne elle dit à son frère ya kafir, alors c'est obligatoire que le kufr il tombe sur l'une de ces deux personnes. En gros, cette quatrième wajh, elle te dit que c'est un chemin, c'est le fait de dire cette parole à ton frère, s'il ne le mérite pas, ceci est un chemin qui mène à la mécréance. Et ceci, même si par exemple toute ta vie t'as été à la khair, toute ta vie t'as été à la khair, à l'al-huda, ou kada, juste parce que tu as dit à un moment donné d'une personne qu'elle était mécréante, alors qu'elle ne l'est pas, cette mécréance, elle va te revenir, ou tu vas tomber dans cette mécréance, walaw ba'da hin. Na'am. والوجه الخامس معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا فكأنه كفر نفسه إما لأنه كفر من هو مثله وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافرا. Et là, dans le cinquième audio, c'est qu'ils disent que c'est le fait qu'il ait rendu mécréant la personne, cette chose-là, c'est cela qui va revenir sur lui. C'est-à-dire, on va le kaffar. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu mécréant, mais son takfir, les akhi, c'est ça qui va revenir sur lui. Bafou ? Fakullu hadi audio. العلماء أو شرح لبعض العلماء عليكم السلام شرح لبعض العلماء في هذه المسألة ثم قلنا فتكفير الأئمة من المسلمين والخروج عليهم أمر عظيم ليس بالهين فالحذر الحذر. Donc le fait de rendre mécréant les gouverneurs. Le fait de rendre mécréant le gouverneur ou de se révolter contre eux, ceci n'est pas une affaire simple. Comme vous le voyez, il y a des chourotes et comme vous le voyez, il y a des dangers sur le fait de rendre une personne mécréante alors qu'elle ne l'est pas. Qala Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, fa'ala kulli min al-ru'ah wal-ra'iyyah والرؤوس والمرؤوس والمرؤوسين أن يطيع كل منهم الله أن يطيع كل منهم الله ورسوله في حاله ويلتزم شريعة الله التي شرعها له. Bon, ça c'est une conclusion de ce chapitre qu'on a vu sur le fait de juger par une autre loi que la loi d'Allah Azza wa Jal. Comme quoi c'est une obligation à tout un chacun. Parce que les khawaris, ils ont rakkaz. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ils ont rakkaz. Ils se sont concentrés à dire que ce verset-là, il est applicable sur les hukam. Alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il utilise مَنْ وَمَنْ مِنْ أَلْفَاضِ الْعُمُومِ. C'est-à-dire, ce n'est pas que pour les hukam. Mais toute personne qui juge par autre que la loi d'Allah, Azza wa Jal, il rentre dans ce verset. Naam. Et tout jugement, tout ma'asiyah, tout péché, c'est une forme de jugement par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal. طيب فالآن تعرفون أن المسألة ليست كما يقولون هؤلاء. Si tu sais que ça c'est un ma'asiyah, et tout le monde, يعني كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كثير من أبناء آدم يخطئون ويذنبون. Ils tombent dans des péchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi des passions. نعم. أليس آدم قد أكل أكل الفاكهة؟ ما رجع إلى حكم الله في ذلك؟ نعم. وهي معصية. وتاب الله عليه. Et Allah l'a pardonné de ce péché. وَمَنْ هُوَ دُونَ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى. نعم. فَهَذَا هُوَ فِي هَذَا النَّاقِدَ. انتهينا من الناقد الرابع وإن شاء الله الخامس غدا. ممكن نقرا شوية في تفسير وين تفسير؟